La synagogue de Alcol de Guillaume Apollinaire. Enregistré pour LibriVox.org. La synagogue. Ottomar Scholem et Abraham Lovren, coiffés de feutre vert le matin du sabbat, vont à la synagogue en longeant le Rhin et les coteaux où les vignes rougissent là-bas. Ils se disputent et crient des choses qu'on ose à peine traduire. « Bâtard conçu pendant les règles » ou « Que le diable entre dans ton père !» Le vieux Rhin soulève sa face ruisselante et se détourne pour sourire. Ottomar Scholem et Abraham Lovren sont en colère parce que pendant le sabbat, on ne doit pas fumer, tandis que les chrétiens passent avec des cigares allumés. Et parce qu'Ottomar et Abraham aiment tous deux, Lia, aux yeux de brebis, et dont le ventre avance un peu. Pourtant, tout à l'heure, dans la synagogue, l'un après l'autre, ils baiseront la Torah en soulevant leur beau chapeau, parmi les feuillards de la fête des cabanes. Ottomar, en chantant, sourira à Abraham. Ils déchanteront sans mesure, et les voix graves des hommes feront gémir un Léviathan au fond du Rhin, comme une voix d'automne. Et dans la synagogue pleine de chapeaux, on agitera les loulabim. « Ranotan nekamot pagoim, tolachot baleomim. » Fin du poème. Enregistré par Linda Olsen-Faitak, Los Angeles. Cet enregistrement fait partie du domaine public.